nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes, et il n'est pas neuf. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre, à présent elle est à peu près close, n'en parlons plus. On en parle encore cependant, et il ne semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. D'ailleurs, y a-t-il un problème? Et quel est-il? Y a-t-il même des femmes? Ainsi, Simone de Beauvoir ouvrait-elle le deuxième sexe, son essai paru chez Gallimard en 1949. Quelques lignes plus loin, elle en définissait le projet. Si sa fonction de femme ne suffit pas à définir la femme, si nous refusons aussi de l'expliquer par l'éternel féminin, et si cependant nous admettons que, fût-ce à titre provisoire, il y a des femmes sur Terre, nous avons donc à nous poser la question, qu'est-ce qu'une femme ? Question à laquelle le livre tâchait de répondre en deux volumes d'environ 1000 pages à eux deux. S'il fut très vite un succès de librairie, s'il inspira toute une génération d'intellectuels nés dans les années 20 et 30 et devint un classique pour la génération du baby-boom, il faut se souvenir que sa réception en 1949 fut pour le moins houleuse. À propos des chapitres sur la sexualité publiés sous forme de bonnefeuille dans les temps modernes, François Mauriac déclarait ainsi dans le Figaro qu'ils atteignaient, je cite, « les limites de l'abject », tandis que dans les lettres françaises, la revue littéraire communiste, Marie-Louise Baron imaginait le franc succès de rigolade qu'obtiendrait Madame de Beauvoir dans un atelier de Billancourt. Le 4 novembre 1949, Simone de Beauvoir était l'invitée de Claudine Chonnaz sur la chaîne nationale pour parler du livre, et c'est surtout de cet accueil dont il fut question. Claudine Chonnaz vous présente l'actualité du livre. Aujourd'hui, le deuxième sexe par Simone de Beauvoir, avec Colette Audry, Janine Buissonnouz et l'auteur. Simone de Beauvoir est née en janvier 1908 à Paris. Elle a habité boulevard Montparnasse, puis rue de Rennes, joué au Luxembourg et fait ses études dans un cours de la rue Jacob. Saint-Germain-des-Prés n'est donc pas pour elle un quartier de café, de cave et de snob, mais plutôt la petite ville provinciale où s'est écoulée son enfance. Elle passait alors toutes ses vacances en Limousin, près de la petite ville moyenâgeuse d'Uzerche, et elle a gardé une prédilection pour ses paysages d'eau brunes et de fougères. Après son baccalauréat, elle a suivi en Sorbonne des cours de littérature puis de philosophie. C'est alors qu'elle s'est liée d'amitié avec Merleau-Ponty en préparant sa licence, puis avec Sartre et Nizan pendant l'année de l'agrégation qu'ils passèrent tous trois en 1929. 2 ans plus tard, elle prit un poste dans l'enseignement et fut professeure de philosophie à Marseille. C'est alors qu'elle découvrit la Provence et le plaisir des voyages à pied. Les jeudis et les dimanches, elle partait seule, sac au dos, explorer les montagnes ou les calanques. Depuis, elle a toujours adoré vagabonder pendant 3 ou 4 semaines chaque été à travers les paysages de France ou d'Italie, couchant dans de petites auberges de villages ou même dans les granges. Au bout d'un an, Simone de Beauvoir quitta Marseille pour Rouen, où elle passa ensuite 4 ans. C'est là qu'elle se lia d'amitié avec Colette Audry, l'écrivain, que vous allez entendre d'ailleurs tout à l'heure à notre micro. En 1936, Simone de Beauvoir est nommée à Paris au lycée Molière et un peu plus tard chargée de préparer au concours de Sèvres les élèves du lycée Camille-Cé. Elle aimait beaucoup l'enseignement, qu'elle n'abandonna qu'au bout de 12 ans lorsque parut chez Gallimard en 1943 son premier roman « L'invité ». Simone de Beauvoir me dit qu'elle avait toujours voulu écrire. Enfant, elle remplissait des cahiers avec de grands romans. À Rouen, plus tard, elle écrivit un volume de nouvelles qui ne fut pas accepté, ce dont elle se félicite aujourd'hui, car elle les juge avec peut-être un excès de modestie très mauvaise. Elle passa ensuite 4 ans à écrire L'invité, et au lendemain de la Libération, fit paraître Le sang des autres, son second roman. Depuis, elle a écrit 2 essais de philosophie et de morale, Pyrrhus et Cinéas, pour une morale de l'ambiguïté. Enfin, un 3e roman, Tous les hommes sont mortels, une relation sur son récent voyage en Amérique qui s'appelle L'Amérique au jour le jour. Elle a aussi fait jouer pendant l'hiver 1945 une pièce, Les bouches inutiles. Elle a continué d'aimer toujours beaucoup voyager et pendant les longues vacances que lui laissait sa carrière de professeur, a visité l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, l'Autriche, le Maroc, la Belgique, l'Angleterre et que sais-je encore. Pendant la guerre, ses voyages furent naturellement interrompus, mais remplacés par de grandes randonnées à bicyclette à travers la Bretagne, les Cévennes, la Provence. Après la libération, Simone de Beauvoir alla également faire des conférences au Portugal, en Tunisie, en Suisse, en Italie, en Hollande. Elle a passé un mois en Suède, visité le Mexique et le Guatemala. Mais surtout, elle a été profondément intéressée par les 4 mois pendant lesquels elle a parcouru l'Amérique jusqu'à la Californie, de New York en Californie et jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Quand elle ne voyage pas, elle travaille très régulièrement, tous les matins et toutes les après-midi. Elle consacre ses déjeuners et ses soirées à ses amis et ne sort, pour ainsi dire, jamais. Elle s'occupe également, depuis 1945, avec Sartre et Merleau-Ponty, de la rédaction de la revue bien connue et même célèbre, qui s'appelle « Les temps modernes ». Eh bien, Simone de Beauvoir, mon Dieu, je voudrais vous demander une question qui s'impose tout de suite. Est-ce que ce gros roman de combien de pages ? Ce n'est pas un roman, si vous parlez du deuxième sexe. Ça n'a rien, ça n'a aucun, je ne sais pas si moi ça n'a rien en effet d'une fiction. Ce gros livre, combien a-t-il de pages ? Alors, je crois que le premier a à peu près 400 et le second quelque chose comme 600 pages. Bon, par conséquent, nous obtenons un total de plus de 1000 pages. Je voudrais vous demander si c'est le résultat d'une pensée concentrée sur ce sujet depuis des années et si de tout temps vous avez désiré écrire sur cette question. Non. Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Bon, eh bien, on vous a accusé, car vous n'ignorez pas que les hommes se trouvent fatalement, même lorsqu'ils vous aiment bien et qu'ils vous admirent, un peu vos ennemis quand il s'agit de ce livre. Ils vous ont donc souvent accusé, d'avoir mis là-dedans un accent de revendication, n'est-ce pas, d'avoir voulu vraiment venger les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Pour moi, c'est un livre que j'ai écrit sans aucune inimitié, sans aucune hostilité. J'ai simplement essayé de faire une mise au point. Je ne crois pas du tout que ce soit un ouvrage de revendication, de ressentiment, de complexe d'infériorité, comme on l'a insinué, parce que, étant donné que j'ai dû travailler tout de suite et que tout de suite j'ai eu une carrière qui me plaisait, je n'ai vraiment jamais souffert de l'inégalité qui existe en général. C'est exactement mon avis. Je dirais même carrément qu'il me semble que vous êtes tellement au-dessus de la condition moyenne de la femme que vraiment vous devez en effet échapper complètement à toute espèce de complexe d'infériorité. Nous supprimerons donc, c'est évident, le mot de revendication, mais... je pense que tout de même on peut dire que vous avez voulu tout de même, frapper un coup si je peux dire, agir, n'est-ce pas, en écrivant ce livre. Il n'est pas purement dans l'abstrait. Certainement, pour moi c'était une action, c'était une espèce d'engagement. J'ajouterais d'ailleurs que même si je l'avais fait dans une intention de revendication, après tout, il aurait pu être également quelque chose d'impartial et d'objectif. Oui, mais ça aurait été regrettable. En fait, il ne l'était pas. Mais il y a certainement dans ce livre une certaine passion, parce que le fait est que je trouve que la situation des femmes telle qu'elle est aujourd'hui est déplorable à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes, qui d'ailleurs les uns et les autres s'en plaignent, et que bien entendu, ça n'a rien pour moi d'un exposé simplement abstrait, c'est vraiment en effet l'expression de quelque chose que je sens. Ce qui m'a paru en effet très frappant dans votre livre, c'est que vous indiquez très nettement que les hommes, qui ne s'en rendent pas compte, qui sont complètement inconscients de ça, en réalité souffrent autant que les femmes de cette condition qu'eux-mêmes ont imposée aux femmes. Ça me paraît une vue très neuve et très importante. J'ai justement quelquefois aussi entendu porter cette critique sur votre livre que vous n'apportiez pas essentiellement une très grande nouveauté. On aurait voulu, je ne sais pas moi, que vous créiez je ne sais quelle nouvelle psychologie de la femme. Et ça me semble une critique absurde parce que je vois très bien, mais vous allez nous le dire vous-même, pourquoi il n'était pas question pour vous de faire quelque chose d'entièrement neuf. Qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement ? Ce n'est pas ça, justement. Pour moi, il ne s'est en effet pas du tout agi d'apporter des révélations extraordinaires. On m'a reproché de ne pas faire de révélations, de ne rien dire d'extraordinairement neuf. Mais bien entendu, il y a des femmes depuis que le monde est monde et on en a parlé énormément et discuté. On a écrit tout sur elles, on a même écrit trop, puisqu'on a écrit les choses les plus contradictoires. Il s'agissait donc non pas de découvrir des horizons absolument inconnus et extraordinaires, mais simplement de faire une espèce de mise au point, d'essayer de systématiser un peu tout ce fatras d'opinions qui sont répandues sur les femmes, et d'essayer de dégager à travers tout cela ce qui, à mes yeux, est la vérité. Il s'agissait aussi de prendre un point de vue existentialiste, de prendre une perspective singulière sur un ensemble de faits, en effet, que je n'ai pas du tout cherché à trouver parmi les plus étranges et les plus étonnants. Au contraire,

de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle alors elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société, et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté. Eh bien, j'ai amené au micro, pour vous parler du livre de Simone de Beauvoir, deux femmes, si bien que pour une fois, nous, ça nous amuse beaucoup, nous faisons un petit meeting à quatre, d'où le premier sexe est exactement exclu. J'ai donc amené Colette Audry, qui est l'auteur d'un recueil de nouvelles, On joue perdant, et aussi d'un récit autobiographique, Aux yeux du souvenir, et qui s'est fait connaître aussi en écrivant les dialogues du fameux film La bataille du rail. Et j'ai enfin amené Janine Bouissounous, journaliste et écrivain bien connu, qui a publié notamment un journal de guerre intitulé Maison occupée et qui vient de faire paraître un livre d'histoire, une biographie d'Isabelle la catholique. Je voudrais dire, avant tout, bien que Claudine Chaunès ait fait allusion au côté qu'on peut considérer comme scandaleux de Simone de Beauvoir et bien que Simone de Beauvoir lui ait répondu, je voudrais dire avant tout que nous ne sommes pas réunis pour discuter d'un livre libidineux. L'admirable ouvrage de Simone de Beauvoir, si important qu'aucun d'autre ne peut lui être comparé, ne l'est à aucun titre. Et je le dis parce que tout dernièrement encore, j'ai été témoin d'une petite scène assez amusante. Je me trouvais dans un quartier littéraire à Saint-Germain-des-Prés et deux jeunes gens discutaient intelligemment, je dis bien intelligemment, de ce livre. Et parfaitement d'accord, ils en reconnaissaient toutes les qualités, toutes les nouveautés, mais à un certain moment, l'autre a dit, celui qui avait peut-être une trentaine d'années, « Naturellement, je ne voudrais pas que ma femme le lise, il y a quand même des choses par trop raides. » Simone de Beauvoir a écrit un livre quand même empreint d'une très grande bienveillance. Enfin, pour parler de moi-même, uniquement à titre d'exemple, je dirais que je suis plutôt assez misogyne. Les femmes telles qu'elles sont, telles que la société les a faites, car Simone de Beauvoir dit bien justement que si elles sont ce qu'elles sont, c'est que la société les a faites ainsi, les femmes m'ennuient assez souvent, leurs confidences, leurs revendications, l'incomprise, la femme malheureuse, bon, je trouve qu'il y a d'autres problèmes plus intéressants. Eh bien, le livre de Simone de Beauvoir, qui est extrêmement sévère, comme vous le dites, Colette Audry, est en même temps tellement plein de bienveillance que depuis, je dois dire, depuis que je l'ai lu, je me sens beaucoup plus capable d'écouter les femmes, de m'intéresser à elles et de comprendre leurs problèmes. Maintenant, Colette Audry, il me semble que vous avez un enfant, n'est-ce pas? Oui. Et comment avez-vous réagi au chapitre du livre de Simone de Beauvoir traitant la maternité? Moi, je n'ai pas d'enfant, alors je n'ai pas de réaction. Mais Je pourrais vous dire d'abord comment j'ai réagi à l'enfant. Oui. Eh bien, cet enfant, j'étais contente de l'avoir, oui. Mais j'étais un peu ennuyée d'être sa mère. Et en lisant le livre de Simone de Beauvoir, j'ai très bien compris, c'est parce que la mère, justement, c'est cette première autre pour l'enfant. Cet être ouais. Contre lequel il aura à s'affirmer lui-même s'il veut devenir un être humain et s'il veut se développer. Alors, jouer ce rôle vis-à-vis d'un être, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement délicat, ça engage beaucoup et c'est peut-être dangereux et pour l'un et pour l'autre. Ah, oui. Maintenant, du point de vue paramaternel, si vous voulez, à propos de ce livre, je me suis souvent posé la question, depuis que je l'ai lu, du rôle qu'il peut avoir sur la jeunesse féminine. Mon enfant est un fils. Ah oui. Il ne s'agit donc pas de mon enfant, il s'agit des jeunes filles que je peux connaître. Oui. Je crois qu'il peut être non seulement d'une utilité, mais il peut être un livre qui les délivrera. Naturellement, mais est-ce que vous en connaissez qui l'ont lu? Est-ce que vous non, avez discuté avec elle? Non, je ne pense pas non plus que de toutes jeunes filles peuvent le lire tel quel. Vers quel âge, vous pensez? Je crois qu'il peut être vers une vingtaine d'années. Je crois qu'il faudrait que les éducatrices et les mères puissent se servir de ce livre pour préparer les enfants et qu'elles-mêmes puissent le lire un petit peu plus tard. Et qu'elles gagneront ainsi énormément de temps. Un des chapitres du livre qui m'a le plus frappé, évidemment il y a des choses très belles et très importantes, c'est le chapitre que Simone de Beauvoir a consacré à la ménagère. Et il me semble que pour l'avoir aussi bien réussi, il faut qu'en même temps être, qu'est Simone de Beauvoir, une romancière. Parce que je ne crois tout de même pas que Simone de Beauvoir ait tellement vécu de la vie de ces femmes qu'elle dépeint, qui dépérissent d'année en année, qui n'ont plus pour but que d'astiquer leur cuivre et leurs boutons de porte. Et il se trouve qu'en ce moment, j'ai l'occasion d'aller assez souvent dans une petite ville des environs de Paris, et je peux vraiment observer ce que devient une femme qui, à 18 ans, était jeune, fraîche, aimable et enjouée, et qui, condamnée à cette vie terrible qu'est la vie de la ménagère, dépérit avec les années, devient une espèce de mégère. Je crois, et je crois que Simone de Beauvoir l'a indiqué, que ce qu'il y a de terrible dans ce métier, qui est le plus ingrat et le plus absurde des métiers, c'est qu'en même temps, c'est un métier solitaire. Et je suis frappée, par exemple, quand je vois ces jeunes filles de la petite bourgeoisie, qui donc sont confinées à la maison, ne peuvent que s'occuper des travaux ménagers et ensuite du tricot, je vois avec quelle espèce d'envie, derrière leur rideau, naturellement, ça se passe en province, regardent monter à l'usine les filles qui s'en vont par bande ou qu'ils soient en descendent. Est-ce que vous ne croyez pas que Simone Audry, Colette Audry, qui a là quelque chose d'un peu analogue, si vous voulez, à ce travail de l'artisan qu'on a voulu nous faire regretter, qui, quoi qu'on dise, est dépassé, et que, est-ce que vous ne croyez pas que ce travail qui rive la femme à la maison, sans aucun contact avec les autres, peut en grande partie exprimer cette espèce de méchanceté, d'abêtissement à laquelle elle arrive, auquel elle arrive. Oh, certainement. Et c'est pourquoi, comme le disait Simone de Beauvoir tout à l'heure, c'est par le travail à l'extérieur qu'elle arrive. Je crois que la grande question, c'est le travail. Oui, certainement. Tout tourne autour de ça. C'est, tout tourne, je crois que tout tourne en effet autour du travail. Seulement, il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, le travail à l'extérieur pour beaucoup de femmes, c'est le travail de ménagère et d'artisan qu'on vient de décrire, plus le travail à l'extérieur. Mais je crois, si on peut le dire, du reste, à une période de transition, et je crois que la femme qui a gagné beaucoup de choses et qui s'est libérée de beaucoup de choses, pour le moment, est dans un moment très difficile et a simplement ajouté à ses soucis de femme des soucis d'homme. Enfin, je veux dire que si elle travaille, si elle est professeure dans un lycée, employée dans une banque ou dans une usine, ça n'empêche pas qu'elle doive compter son linge et tenir son livre de compte, et qu'elle a à la fois les ennuis des hommes et les soucis des femmes. Certainement. Mais ce livre... Au fond, Simone de Beauvoir le dit dès le début, elle dit qu'elle espère que ce livre, que tout ce qu'elle souhaite, c'est que ce livre devienne vite périmé. Nous sommes en effet dans une époque de transition. Ce livre exprime la situation des femmes dans une époque de transition. C'est un livre qui demeure ouvert. Oui, le dernier chapitre s'appelle « Vers la libération ». Il ne faut tout de même pas oublier que Simone de Beauvoir laisse toutes les portes ouvertes et qu'on a tout de même l'impression que la situation peut changer. Claudine Chonnaez vous a présenté l'actualité du livre. C'était aujourd'hui « Le deuxième sexe » par Simone de Beauvoir avec Colette Audry, Jeannine Wissonnouz et l'auteur. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 novembre 1949. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France. Je ne saurais jamais parler aux femmes quand il s'agit de leur faire la cour. Je ne trouve jamais les discours qui émeuvent leur chair et chavirent leur âme. Je ne saurai jamais parler aux femmes. Chaque mot que je dis tourne court, et à l'ange qui passe, j'ai envie de crier au secours. Vous savez, vous me plaisez beaucoup. Faites voir votre main, voulez-vous. Votre ligne de cœur est vraiment exceptionnelle. Je ne peux pas sortir ces trucs-là. C'est comme ça, il faut dire ses boniments avec elle. Mon copain Vivi sait parler aux femmes. Très gentiment, il me donne des cours. Il devient Catherine ou Marianne. Je lui dis qu'il est belle, mais le cœur n'y est pas. Je ne sais pas, je ne saurai jamais parler aux femmes. Mais les femmes sont émues par ce drame, et parfois elles aiment consoler mon cœur lourd. Et je suis très heureux.